assez traqué, assez plaqué, évier, lissé, cassé, traqué, cassé, plaqué, évier, lissé, cassé, traqué, cassé, plaqué, évier, lissé, cassé, traqué, cassé, plaqué, évier, lissé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, Qu'est-ce que vous savez? Elle est où la vie? Elle est où la vie?